François de la Rochefoucauld, Réflexion ou sentence et maxime morale. Après avoir parlé de la fausseté de tant de vertus apparentes, il est raisonnable de dire quelque chose de la fausseté du mépris de la mort. Réflexion morale. Nos vertus ne sont le plus souvent que de vices déguisés. Réflexion numéro 1. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger. Et ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. Réflexion numéro 2. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Réflexion numéro 3. Quelque découverte que l'on ait faite dans le pays de l'amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues. Réflexion numéro 4. L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde. Réflexion numéro 5. La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée de notre vie. Réflexion numéro 6. La passion fait souvent un fou du plus habile homme et rend souvent les plus sots habiles. Réflexion numéro 7. Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont d'ordinaire les effets de l'humeur et des passions. Ainsi, la guerre d'Auguste et d'Antoine, qu'on rapporte à l'ambition qu'ils avaient de se rendre maîtres du monde, n'était peut-être qu'un effet de jalousie. Réflexion numéro 8. Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de la nature dont les règles sont infaillibles, et l'homme le plus simple qui a de la passion persuade mieux que le plus éloquent qui n'en a point. Réflexion numéro 9. Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu'il est dangereux de les suivre et qu'on doit s'en défier lors même qu'elles paraissent les plus raisonnables. Réflexion numéro 10. Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'établissement d'une autre. Réflexion numéro 11. Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires. L'avarice produit quelquefois de la prodigalité, et la prodigalité l'avarice. On est souvent ferme par faiblesse et audacieux par timidité. Réflexion numéro 12. Quelque soin que l'on prenne de couvrir ses passions par des apparences de piété et d'honneur, elles paraissent toujours au travers de ces voiles. Réflexion numéro 13. Notre amour-propre souffre plus impatiemment de la condamnation de nos goûts que de nos opinions. Réflexion numéro 14. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures, ils haïssent même ceux qui les ont obligés et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages. L'application à récompenser le bien et à se venger du mal leur paraît une servitude à laquelle ils ont peine de se soumettre. Réflexion numéro 15. La clémence des princes n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. Réflexion numéro 16. Cette clémence dont on fait une vertu se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte et presque toujours par tous les trois ensemble. Réflexion numéro 17. La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à leur humeur. Réflexion numéro 18. La modération est une crainte de tomber dans l'envie et dans le mépris que méritent ceux qui s'enivrent de leur bonheur. C'est une vaine ostentation de la force de notre esprit, et enfin, la modération des hommes dans leur plus haute élévation est un désir de paraître plus grand que leur fortune. Réflexion numéro 19. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. Réflexion numéro 20. La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dans le cœur. Réflexion numéro 21. Ceux qu'on condamne au supplice affectent quelquefois une constance et un mépris de la mort qui n'est en effet que la crainte de l'envisager, de sorte que l'on peut dire que cette constance et ce mépris sont à leur esprit ce que le bandeau est à leurs yeux. Réflexion numéro 22. La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir, mais les maux présents triomphent d'elle. Réflexion numéro 23. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume, et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'empêcher de mourir. Réflexion numéro 24. Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu'ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition, et non par celle de leur âme, et qu'à une grande vanité près, les héros sont faits comme les autres hommes. Réflexion numéro 25. Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. Réflexion numéro 26. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Réflexion numéro 27. On fait souvent vanité des passions, même les plus criminelles, mais l'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. Réflexion numéro 28. La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Réflexion numéro 29. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécutions et de haine que nos bonnes qualités. Réflexion numéro 30. Nous avons plus de force que de volonté, et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. Réflexion numéro 31. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. Réflexion numéro 32. La jalousie se nourrit dans les doutes et elle devient fureur où elle finit sitôt qu'on passe du doute à la certitude. Réflexion numéro 33. L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien lors même qu'il renonce à la vanité. Réflexion numéro 34. Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres. Réflexion numéro 35. L'orgueil est égal dans tous les hommes et il n'y a de différence qu'au moyen et à la manière de le mettre au jour. Réflexion numéro 36. Il semble que la nature qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait donné l'orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections. Réflexion numéro 37. L'orgueil a plus de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui commettent des fautes. Et nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger que pour leur persuader que nous en sommes exemptes. Réflexion numéro 38. Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes. Réflexion numéro 39. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. Réflexion numéro 40. L'intérêt qui aveugle les uns fait la lumière des autres. Réflexion numéro 41. Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes. Réflexion numéro 42. Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. Réflexion numéro 43. L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit, et pendant que par son esprit il tend à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un autre. Réflexion numéro 44. La force et la faiblesse de l'esprit sont mal nommées. Elles ne sont en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps. Réflexion numéro 45. Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune. Réflexion numéro 46. L'attachement ou l'indifférence que les philosophes avaient pour la vie n'était qu'un goût de leur amour-propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût de la langue ou du choix des couleurs. Réflexion numéro 47. Notre humeur met le prix à tout ce qui nous vient de la fortune. Réflexion numéro 48. La félicité est dans le goût et non pas dans les choses. Et c'est par avoir ce qu'on aime qu'on est heureux et non par avoir ce que les autres trouvent aimable. Réflexion numéro 49. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Réflexion numéro 50. Ceux qui croient avoir du mérite se font un honneur d'être malheureux pour persuader aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont dignes d'être en butte à la fortune. Réflexion numéro 51. Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes que de voir que nous désapprouvons dans un temps ce que nous approuvions dans un autre. Réflexion numéro 52. Quelques différences qui paraissent entre les fortunes, il y a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux qui les rendent égales. Réflexion numéro 53. Quelques grands avantages que la nature donne, ce n'est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fait le héros. Réflexion numéro 54. Le mépris des richesses était dans les philosophes un désir caché de venger leur mérite de l'injustice de la fortune par le mépris des mêmes biens dont elle est privée. C'était un secret pour se garantir de l'avilissement, de la pauvreté. C'était un chemin détourné pour aller à la considération qu'il ne pouvait avoir par les richesses. Réflexion numéro 55. La haine pour les favoris n'est autre chose que l'amour de la faveur. Le dépit de ne la pas posséder se console et s'adoucit par le mépris que l'on témoigne de ceux qui la possèdent, et nous leur refusons nos hommages, ne pouvant leur ôter ce qui leur attire, ceux de tout le monde. Réflexion numéro 56. Pour s'établir dans le monde, on fait tout ce que l'on peut pour y paraître établi. Réflexion numéro 57. Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d'un grand dessein, mais des effets du hasard. Réflexion numéro 58. Il semble que nos actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses, à qui elles doivent une grande partie de la louange et du blâme qu'on leur donne. Réflexion numéro 59. Il n'y a point d'accident si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni de si heureux que les imprudents ne puissent tourner à leur préjudice. Réflexion numéro 60. La fortune tourne tout à l'avantage de ceux qu'elle favorise. Réflexion numéro 61. Le bonheur et le malheur des hommes ne dépendent pas moins de leur humeur que de la fortune. Réflexion numéro 62. La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens. Et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. Réflexion numéro 63. L'aversion du mensonge est souvent une imperceptible ambition de rendre nos témoignages considérables et d'attirer à nos paroles un respect de religion. Réflexion numéro 64. La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal. Réflexion numéro 65. Il n'y a point d'éloge qu'on ne donne à la prudence. Cependant, elle ne saurait nous assurer du moindre événement. Réflexion numéro 66. Un habile homme doit régler le rang de ses intérêts et les conduire chacun dans son ordre. Notre avidité le trouble souvent en nous faisant courir à tant de choses à la fois que pour désirer trop les moins importantes, on manque les plus considérables. Réflexion numéro 67. La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit. Réflexion numéro 68. Il est difficile de définir l'amour. Ce que l'on peut dire est que dans l'âme, c'est une passion de régner. Dans les esprits, c'est une sympathie. Et dans le corps, ce n'est qu'une envie cachée et délicate de posséder ce que l'on aime après beaucoup de mystères. Réflexion numéro 69. S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. Réflexion numéro 70. Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas. Réflexion numéro 71. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus. Réflexion numéro 72. Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. Réflexion numéro 73. On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu de galanterie, mais il est rare d'en trouver qui n'en ait jamais eu qu'une. Réflexion numéro 74. Il n'y a que d'une sorte d'amour, mais il y en a mille différentes copies. Réflexion numéro 75. L'amour aussi bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel, et il cesse de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre. Réflexion numéro 76. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. Réflexion numéro 77. L'amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu'on lui attribue et où il n'a non plus de part que le doge à ce qui se fait à Venise. Réflexion numéro 78. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Réflexion numéro 79. Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même. Réflexion numéro 80. Ce qui nous rend si changeants dans nos amitiés, c'est qu'il est difficile de connaître les qualités de l'âme et facile de connaître celles de l'esprit. Réflexion numéro 81. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. Réflexion numéro 82. La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre et une crainte de quelques mauvais événements. Réflexion numéro 83. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts et qu'un échange de bons offices. Ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. Réflexion numéro 84. Il est plus honteux de se défier de ses amis que d'en être trompé. Réflexion numéro 85. Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que nous, et néanmoins c'est l'intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne nous donnons pas à eux pour le bien que nous voulons leur faire, mais pour celui que nous en voulons recevoir. Réflexion numéro 86. Notre défiance justifie la tromperie d'autrui. Réflexion numéro 87. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient dupes les uns des autres. Réflexion numéro 88. L'amour-propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis à proportion de la satisfaction que nous avons d'eux, et nous jugeons de leur mérite par la manière dont ils vivent avec nous. Réflexion numéro 89. Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement. Réflexion numéro 90. Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités. Réflexion numéro 91. La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence lorsqu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire. Réflexion numéro 92. Détromper un homme préoccupé de son mérite et lui rendre un aussi mauvais office que celui que l'on rendit à ce fou d'Athènes qui croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui. Réflexion numéro 93. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Réflexion numéro 94. Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. Réflexion numéro 95. La marque d'un mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l'envient le plus sont contraints de le louer. Réflexion numéro 96. Tel homme est ingrat qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui lui a fait du bien. Réflexion numéro 97. On s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit et le jugement étaient deux choses différentes. Le jugement n'est que la grandeur de la lumière de l'esprit. Cette lumière pénètre le fond des choses, elle y remarque tout ce qu'il faut remarquer et aperçoit celle qui semble imperceptible. Ainsi, il faut demeurer d'accord que c'est l'étendue de la lumière de l'esprit qui produit tous les effets qu'on attribue au jugement. Réflexion numéro 98. Chacun dit du bien de son cœur et personne n'ose en dire de son esprit. Réflexion numéro 99. La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. Réflexion numéro 100. La galanterie de l'esprit est de dire des choses flatteuses d'une manière agréable. Réflexion numéro 101. Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit qu'il ne les pourrait faire avec beaucoup d'art. Réflexion numéro 102. L'esprit est toujours la dupe du cœur. Réflexion numéro 103. Tous ceux qui connaissent leur esprit ne connaissent pas leur cœur. Réflexion numéro 104. Les hommes et les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu'il faut voir de près pour en bien juger, et d'autres dont on ne juge jamais si bien que quand on en est éloigné. Réflexion numéro 105. Celui-là n'est pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui la connaît, qui la discerne et qui la goûte. Réflexion numéro 106. Pour bien savoir les choses, il faut en savoir le détail, et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. Réflexion numéro 107. C'est une espèce de coquetterie de faire remarquer qu'on n'en fait jamais. Réflexion numéro 108. L'esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur. Réflexion 109. La jeunesse change ses goûts par l'ardeur du sang, et la vieillesse conserve les siens par l'accoutumance. Réflexion numéro 110. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. Réflexion numéro 111. Plus on aime une maîtresse, et plus on est prêt de la haïr. Réflexion numéro 112. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant comme ceux du visage. Réflexion numéro 113. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. Réflexion numéro 114. On ne se peut consoler d'être trompé par ses ennemis et trahi par ses amis, et l'on est souvent satisfait de l'être par soi-même. Réflexion numéro 115. Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Réflexion numéro 116. Rien n'est moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens et à le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paye la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoiqu'il ne cherche le plus souvent dans les conseils qu'il donne que son propre intérêt ou sa gloire. Réflexion numéro 117. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges que l'on nous tend, et on n'est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres. Réflexion numéro 118. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés. Réflexion numéro 119. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. Réflexion numéro 120. L'on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir. Réflexion numéro 121. On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal. Réflexion numéro 122. Si nous résistons à nos passions, c'est plus par leur faiblesse que par notre force. Réflexion numéro 123. On n'aurait guère de plaisir si on ne se flattait jamais. Réflexion numéro 124. Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses pour s'en servir en quelque grande occasion ou quelque grand intérêt. Réflexion numéro 125. L'usage ordinaire de la finesse est la marque d'un petit esprit. Et il arrive presque toujours que celui qui s'en sert pour se couvrir en un endroit se découvre en un autre. Réflexion numéro 126. Les finesses et les trahisons ne viennent que de manque d'habileté. Réflexion numéro 127. Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se croire plus fin que les autres. Réflexion numéro 128. La trop grande subtilité est une fausse délicatesse et la véritable délicatesse est une solide subtilité. Réflexion numéro 129. Il suffit quelquefois d'être grossier pour n'être pas trompé par un habile homme. Réflexion numéro 130. La faiblesse est le seul défaut que l'on ne saurait corriger. Réflexion numéro 131. Le moindre défaut des femmes qui se sont abandonnées à faire l'amour, c'est de faire l'amour. Réflexion numéro 132. Il est plus aisé d'être sage pour les autres que de l'être pour soi-même. Réflexion numéro 133. Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des méchants originaux. Réflexion numéro 134. On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a que par celles que l'on affecte d'avoir. Réflexion numéro 135. On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. Réflexion numéro 136. Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Réflexion numéro 137. On parle peu quand la vanité ne fait pas parler. Réflexion 138. On aime mieux dire du mal de soi-même que de n'en point parler. Réflexion 139. Une des choses qui fait que l'on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables dans la conversation, c'est qu'il n'est presque personne qui ne pense plutôt à ce qu'il veut dire qu'à répondre précisément à ce qu'on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent de montrer seulement une mine attentive, au même temps que l'on voit dans leurs yeux et dans leur esprit un égarement pour ce qu'on leur dit, et une précipitation pour retourner à ce qu'ils veulent dire, au lieu de considérer que c'est un mauvais moyen de plaire aux autres ou de les persuader, que de chercher si fort à se plaire à soi-même, et que bien écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections qu'on puisse avoir dans la conversation. Réflexion 140. Un homme d'esprit serait souvent bien embarrassé sans la compagnie des sots. Réflexion 141. Nous nous vantons souvent de ne point ennuyer et nous sommes si glorieux que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie. Réflexion 142. Comme c'est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses, les petits esprits, au contraire, ont le don de beaucoup parler et de ne rien dire. Réflexion 143. C'est plutôt par estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes qualités des autres que par l'estime de leurs mérites, et nous voulons nous attirer les louanges lorsqu'il semble que nous leur en donnons. Réflexion 144. On n'aime point à louer et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une flatterie habile, cachée et délicate qui satisfait différemment celui qui la donne et celui qui la reçoit. L'un la prend comme une récompense de son mérite, l'autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement. Réflexion 145. Nous choisissons souvent des louanges empoisonnées qui font voir par contre-coup en ceux que nous louons des défauts que nous n'osons découvrir d'une autre sorte. Réflexion 146. On ne loue d'ordinaire que pour être loué. Réflexion 147. Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile à la louange qui les trahit. Réflexion 148. Il y a des reproches qui louent et des louanges qui médisent. Réflexion 149. Le refus des louanges est un désir d'être loué deux fois. Réflexion 150. Le désir de mériter les louanges qu'on nous donne fortifie notre vertu, et celles que l'on donne à l'esprit, à la valeur et à la beauté contribuent à les augmenter. Réflexion 151. Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné que de gouverner les autres. Réflexion 152. Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire. Réflexion 153. La nature fait le mérite et la fortune le met en œuvre. Réflexion 154. La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corriger. Réflexion 155. Il y a des gens dégoûtants avec du mérite et d'autres qui plaisent avec des défauts. Réflexion 156. Il y a des gens dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement et qui gâteraient tout s'ils changeaient de conduite. Réflexion 157. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. Réflexion 158. La flatterie est une fausse monnaie qui n'a de cours que par notre vanité. Réflexion 159. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités. Il faut en avoir l'économie. Réflexion 160. Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande lorsqu'elle n'est pas l'effet d'un grand dessein. Réflexion 161. Il doit y avoir une certaine proportion entre les actions et les desseins si on en veut tirer tous les effets qu'elles peuvent produire. Réflexion 162. L'art de savoir bien mettre en œuvre de médiocres qualités dérobe l'estime et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite. Réflexion 163. Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules et dont les raisons cachées sont très sages et très solides. Réflexion 164. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. Réflexion 165. Notre mérite nous attire l'estime des honnêtes gens, et notre étoile, celle du public. Réflexion 166. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. Réflexion 167. L'avarice est plus opposée à l'économie que la libéralité. Réflexion 168. L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. Réflexion 169. Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l'honneur. Réflexion 170. Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête est un effet de probité ou d'habileté. Réflexion 171. Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Réflexion 172. Si on examine bien les divers effets de l'ennui, on trouvera qu'il fait manquer à plus de devoirs que l'intérêt. Réflexion 173. Il y a diverses sortes de curiosités, l'une d'intérêt qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui peut nous être utile, et l'autre d'orgueil qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent. Réflexion 174. Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui nous peuvent arriver. Réflexion 175. La constance en amour est une inconstance perpétuelle qui fait que notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons, donnant tantôt la préférence à l'une, tantôt à l'autre, de sorte que cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée dans un même sujet. Réflexion 176. Il y a deux sortes de constance en amour. L'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la personne que l'on aime de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre vient de ce que l'on se fait un honneur d'être constant. Réflexion 177. La persévérance n'est digne ni de blâme, ni de louange, parce qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentiments, qu'on ne saute et qu'on ne se donne point. Réflexion 178. Ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances n'est pas tant la lassitude que nous avons des vieilles, ou le plaisir de changer, que le dégoût de n'être pas assez admiré de ceux qui nous connaissent trop, et l'espérance de l'être davantage de ceux qui nous connaissent pas tant. Réflexion 179. Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis pour justifier par avance notre légèreté. Réflexion 180. Notre repentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait qu'une crainte de celui qui nous en peut arriver. Réflexion 181. Il y a une inconstance qui vient de la légèreté de l'esprit ou de sa faiblesse, qui lui fait recevoir toutes les opinions d'autrui, et il y en a une autre, qui est plus excusable, qui vient du dégoût des choses. Réflexion 182. Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère, et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. Réflexion 183. Il faut demeurer d'accord avec l'honneur de la vertu que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes. Réflexion 184. Nous avouons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu'ils nous ont fait dans l'esprit des autres. Réflexion 185. Il y a des héros en mal comme en bien. Réflexion 186. On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, mais on méprise tous ceux qui n'ont aucune vertu. Réflexion 187. Le nom de la vertu sert à l'intérêt aussi utilement que les vices. Réflexion 188. La santé de l'âme n'est pas plus assurée que celle du corps, et quoique l'on paraisse éloigné des passions, on n'est pas moins en danger de s'y laisser emporter que de tomber malade quand on se porte bien. Réflexion 189. Il semble que la nature ait prescrit à chaque homme dès sa naissance des bornes pour les vertus et pour les vices. Réflexion 190. Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir de grands défauts. Réflexion 191. On peut dire que les vices nous attendent dans le cours de la vie comme des hôtes chez qui il faut successivement loger, et je doute que l'expérience nous les fît éviter s'il nous était permis de faire deux fois le même chemin. Réflexion 192. Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c'est nous qui les quittons. Réflexion 193. Il y a des rechutes dans les maladies de l'âme comme dans celles du corps. Ce que nous prenons pour notre guérison n'est le plus souvent qu'un relâche ou un changement de mal. Réflexion 194. Les défauts de l'âme sont comme les blessures du corps. Quelques soins qu'on prenne de les guérir, la cicatrice paraît toujours, et elles sont à tout moment en danger de se rouvrir. Réflexion 195. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons plusieurs. Réflexion 196. Nous oublions aisément nos fautes lorsqu'elles ne sont sues que de nous. Réflexion 197. Il y a des gens de qui l'on peut ne jamais croire du mal sans l'avoir vu, mais il n'y en a point en qui ils nous doivent surprendre en le voyant. Réflexion 198. Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres, et quelquefois on louerait moins Monsieur le Prince et Monsieur de Turenne si on ne les voulait point blâmer tous deux. Réflexion 199. Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir. Réflexion 200. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. Réflexion 201. Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se trompe fort, mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. Réflexion 202. Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent parfaitement et les confessent. Réflexion 203. Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien. Réflexion 204. La sévérité des femmes est un ajustement et un fard qu'elles ajoutent à leur beauté. Réflexion 205. L'honnêteté des femmes est souvent l'amour de leur réputation et de leur repos. Réflexion 206. C'est être véritablement honnête homme que de vouloir être toujours exposé à la vie des honnêtes gens. Réflexion 207. La folie nous suit dans tous les temps de la vie. Si quelqu'un paraît sage, c'est seulement parce que ses folies sont proportionnées à son âge et à sa fortune. Réflexion 208. Il y a des gens niais qui se connaissent et qui emploient habilement leur niaiserie. Réflexion 209. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Réflexion 210. En vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Réflexion 211. Il y a des gens qui ressemblent aux vaudevilles qu'on ne chante qu'un certain temps. Réflexion 212. La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu'ils ont ou par leur fortune. Réflexion 213. L'amour de la gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire fortune, le désir de rendre notre vie commode et agréable et l'envie d'abaisser les autres sont souvent les causes de cette valeur si célèbre parmi les hommes. Réflexion 214. La valeur est dans les simples soldats, un métier périlleux qu'ils ont pris pour gagner leur vie. Réflexion 215. La parfaite valeur et la poltronnerie complète sont deux extrémités où l'on arrive rarement. L'espace qui est entre deux est vaste et contient toutes les autres espèces de courage. Il n'y a pas moins de différence entre elles qu'entre les visages et les humeurs. Il y a des hommes qui s'exposent volontiers au commencement d'une action et qui se relâchent et se rebutent aisément par sa durée. Il y en a qui sont contents quand ils ont satisfait à l'honneur du monde et qui font fort peu de choses au-delà. On en voit qui ne sont pas toujours également maîtres de leur peur. D'autres se laissent quelquefois entraîner à des terreurs générales. D'autres vont à la charge parce qu'ils n'osent demeurer dans leur poste. Il s'en trouve à qui l'habitude des moindres périls affermit le courage et les prépare à s'exposer à de plus grands. Il y en a qui sont braves à coups d'épée et qui craignent les coups de mousquet. D'autres sont assurés aux coups de mousquet et appréhendent de se battre à coups d'épée. Tous ces courages de différentes espèces conviennent en ce que la nuit augmente la crainte et cachant les bonnes et les mauvaises actions, elle donne la liberté de se ménager. Il y a encore un autre ménagement plus général, car on ne voit point d'homme qu'il fasse tout ce qu'il serait capable de faire dans une occasion, s'il était assuré d'en revenir, de sorte qu'il est visible que la crainte de la mort ôte quelque chose de la valeur. Réflexion 216. La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde. Réflexion 217. L'intrépidité est une force extraordinaire de l'âme qui l'élève au-dessus des troubles, des désordres et des émotions que la vue des grands périls pourrait exciter en elle. Et c'est par cette force que les héros se maintiennent en un état paisible et conservent l'usage libre de leur raison dans les accidents les plus surprenants et les plus terribles. Réflexion 218. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Réflexion 219. La plupart des hommes s'exposent assez dans la guerre pour sauver leur honneur, mais peu se veulent toujours exposer autant qu'il est nécessaire pour faire réussir le dessein pour lequel ils s'exposent. Réflexion 220. La vanité, la honte et surtout le tempérament font souvent la valeur des hommes et la vertu des femmes. Réflexion 221. On ne veut point perdre la vie et on veut acquérir de la gloire, ce qui fait que les braves ont plus d'adresse et d'esprit pour éviter la mort que les gens de chicane n'en ont pour conserver leurs biens. Réflexion 222. Il n'y a guère de personne qui, dans le premier penchant de l'âge, ne fasse connaître par où leur corps et leur esprit doivent défaillir. Réflexion 223. Il est de la reconnaissance comme de la bonne foi des marchands. Elle entretient le commerce et nous ne payons pas parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent. Réflexion 224. Tous ceux qui s'acquittent des devoirs de la reconnaissance ne peuvent pas pour cela se flatter d'être reconnaissants. Réflexion 225. Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu'on attend des grâces que l'on a faites, c'est que l'orgueil de celui qui donne et l'orgueil de celui qui reçoit ne peuvent convenir du prix du bienfait. Réflexion 226. Le trop grand empressement qu'on a de s'acquitter d'une obligation est une espèce d'ingratitude. Réflexion 227. Les gens heureux ne se corrigent guère. Ils croient toujours avoir raison quand la fortune soutient leur mauvaise conduite. Réflexion 228. L'orgueil ne veut pas devoir et l'amour-propre ne veut pas payer. Réflexion 229. Le bien que nous avons reçu de quelqu'un veut que nous respections le mal qu'il nous fait. Réflexion 230. Rien n'est si contagieux que l'exemple, et nous ne faisons jamais de grands biens ni de grands maux qui n'en produisent de semblables. Nous imitons les bonnes actions par émulation et les mauvaises par la malignité de notre nature que la honte retenait prisonnière et que l'exemple met en liberté. Réflexion 231. C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul. Réflexion 232. Quelque prétexte que nous donnions à nos afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt et la vanité qui les causent. Réflexion 233. Il y a dans les afflictions diverses sortes d'hypocrisie. Dans l'une, sous prétexte de pleurer la perte d'une personne qui nous est chère, nous nous pleurons nous-mêmes. Nous regrettons la bonne opinion qu'il avait de nous. Nous pleurons la diminution de notre bien, de notre plaisir, de notre considération. Ainsi, les morts ont l'honneur des larmes qui ne coulent que pour les vivants. Je dis que c'est une espèce d'hypocrisie, à cause que dans ces sortes d'afflictions, on se trompe soi-même. Il y a une autre hypocrisie qui n'est pas si innocente, parce qu'elle impose à tout le monde. C'est l'affliction de certaines personnes qui aspirent à la gloire d'une belle et immortelle douleur, après que le temps qui consume tout a fait cesser celle qu'elle avait en effet, elles ne laissent pas d'opiniâtrer leurs pleurs, leurs plaintes et leurs soupirs. Elles prennent un personnage lugubre et travaillent à persuader par toutes leurs actions que leur déplaisir ne finira qu'avec leur vie. Cette triste et fatigante vanité se trouve d'ordinaire dans les femmes ambitieuses. Comme leur sexe leur ferme tous les chemins qui mènent à la gloire, elles s'efforcent de se rendre célèbres par la montre d'une inconsolable affliction. Il y a encore une autre espèce de larmes qui n'ont que de petites sources qui coulent et se tarissent facilement. On pleure pour avoir la réputation d'être tendre. On pleure pour être plaint. On pleure pour être pleuré. Enfin, on pleure pour éviter la honte de ne pleurer pas. Réflexion 234. C'est plus souvent par orgueil que par défaut de lumière qu'on s'oppose avec tant d'opiniâtreté aux opinions les plus suivies. On trouve les premières places prises dans le bon parti et on ne veut point les dernières. Réflexion 235. Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu'elles servent à signaler notre tendresse pour eux. Réflexion 236. Il semble que l'amour-propre soit la dupe de la bonté et qu'il s'oublie lui-même lorsque nous travaillons pour l'avantage des autres. Cependant, c'est prendre le chemin le plus assuré pour arriver à ses fins. C'est prêter à usure sous prétexte de donner. C'est enfin s'acquérir tout le monde par un moyen subtil et délicat. Réflexion 237. Nul ne mérite d'être loué de bonté s'il n'a pas la force d'être méchant. Toute autre bonté n'est le plus souvent qu'une paresse ou une impuissance de la volonté. Réflexion 238. Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire trop de bien. Réflexion 239. Rien ne flatte plus notre orgueil que la confiance des grands, parce que nous la regardons comme un effet de notre mérite, sans considérer qu'elle ne vient le plus souvent que de vanité ou d'impuissance de garder le secret. Réflexion 240. On peut dire de l'agrément, séparé de la beauté, que c'est une symétrie dont on ne sait point les règles, et un rapport secret des traits ensemble, et des traits avec les couleurs et avec l'air de la personne. Réflexion 241. La coquetterie est le fond de l'humeur des femmes, mais toutes ne la mettent pas en pratique parce que la coquetterie de quelques-unes est retenue par la crainte ou par la raison. Réflexion 242. On incommode souvent les autres quand on croit ne les pouvoir jamais incommoder. Réflexion 243. Il y a peu de choses impossibles d'elles-mêmes et l'application pour les faire réussir nous manque plus que les moyens. Réflexion 244. La souveraine habileté consiste à bien connaître le prix des choses. Réflexion 245. C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. Réflexion 246. Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts pour aller à de plus grands. Réflexion 247. La fidélité qui paraît en la plupart des hommes n'est qu'une invention de l'amour-propre pour attirer la confiance. C'est un moyen de nous élever au-dessus des autres et de nous rendre dépositaires des choses les plus importantes. Réflexion 248. La magnanimité méprise tout pour avoir tout. Réflexion 249. Il n'y a pas moins d'éloquence dans le ton de la voix, dans les yeux et dans l'air de la personne que dans le choix des paroles. Réflexion 250. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Réflexion 251. Il y a des personnes à qui les défauts sied bien et d'autres qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités. Réflexion 252. Il est aussi ordinaire de voir changer les goûts qu'il est extraordinaire de voir changer les inclinations. Réflexion 253. L'intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices. Réflexion 254. L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumission dont on se sert pour soumettre les autres. C'est un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour s'élever, et bien qu'il se transforme en mille manières, il n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité. Réflexion 255. Tous les sentiments ont chacun un ton de voix, des gestes et des mines qui leur sont propres. Et ce rapport, bon ou mauvais, agréable ou désagréable, est ce qui fait que les personnes plaisent ou déplaisent. Réflexion 256. Dans toutes les professions, chacun affecte une mine et un extérieur pour paraître ce qu'il veut qu'on le croie. Ainsi, on peut dire que le monde n'est composé que de mines. Réflexion 257. La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit. Réflexion 258. Le bon goût vient plus du jugement que de l'esprit. Réflexion 259. Le plaisir de l'amour est d'aimer, et l'on est plus heureux par la passion que l'on a que par celle que l'on donne. Réflexion 260. La civilité est un désir d'en recevoir et d'être estimé poli. Réflexion 261. L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est un second amour-propre qu'on leur inspire. Réflexion 262. Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour, et on est toujours plus disposé à sacrifier le repos de ce qu'on aime qu'à perdre le sien. Réflexion 263. Ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la vanité de donner que nous aimons mieux que ce que nous donnons. Réflexion 264. La pitié est souvent un sentiment de nos propres maux dans les maux d'autrui. C'est une habile prévoyance des malheurs où nous pouvons tomber. Nous donnons du secours aux autres pour les engager à nous en donner en de semblables occasions. Et ces services que nous leur rendons sont à proprement parler des biens que nous faisons à nous-mêmes par avance. Réflexion 265. La petitesse de l'esprit fait l'opiniâtreté, et nous ne croyons pas aisément ce qui est au-delà de ce que nous voyons. Réflexion 266. C'est se tromper que de croire qu'il n'y ait que les violentes passions, comme l'ambition et l'amour, qui puissent triompher des autres. La paresse, toute languissante qu'elle est, ne laisse pas d'en être souvent la maîtresse. Elle usurpe sur tous les desseins et sur toutes les actions de la vie, elle y détruit et y consume insensiblement les passions et les vertus. Réflexion 267. La promptitude à croire le mal sans l'avoir assez examiné est un effet de l'orgueil et de la paresse. On veut trouver les coupables et on ne veut pas se donner la peine d'examiner les crimes. Réflexion 268. Nous récusons les juges pour les plus petits intérêts et nous voulons bien que notre réputation et notre gloire dépendent du jugement des hommes, qui nous sont tous contraires, ou par leur jalousie, ou par leurs préoccupations, ou par leur peu de lumière, et ce n'est que pour les faire prononcer en notre faveur que nous exposons en tant de manières notre repos et notre vie. Réflexion 269. Il n'y a guère d'homme assez habile pour connaître tout le mal qu'il fait. Réflexion 270. L'honneur acquis est caution de celui qu'on doit acquérir. Réflexion 271. La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la raison. Réflexion 272. Rien ne devrait plus humilier les hommes qui ont mérité de grandes louanges que le soin qu'ils prennent encore de se faire valoir par de petites choses. Réflexion 273. Il y a des gens qu'on approuve dans le monde qui n'ont pour tout mérite que les vices qui servent au commerce de la vie. Réflexion 274. La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits. Elle y donne un lustre qui s'efface aisément et qui ne revient jamais. Réflexion 275. Le bon naturel, qui se vante d'être si sensible, est souvent étouffé par le moindre intérêt. Réflexion 276. L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Réflexion 277. Les femmes croient souvent aimer encore qu'elles n'aiment pas. L'occupation les intrigue, l'émotion d'esprit que donne la galanterie, la pente naturelle au plaisir d'être aimées et la peine de refuser leur persuadent qu'elles ont de la passion lorsqu'elles n'ont que de la coquetterie. Réflexion 278. Ce qui fait que l'on est souvent mécontent de ceux qui négocient et qu'ils abandonnent presque toujours l'intérêt de leurs amis pour l'intérêt du succès de la négociation qui devient le leur par l'honneur d'avoir réussi à ce qu'ils avaient entrepris. Réflexion 279. Quand nous exagérons la tendresse que nos amis ont pour nous, c'est souvent moins par reconnaissance que par le désir de faire juger de notre mérite. Réflexion 280. L'approbation que l'on donne à ceux qui entrent dans le monde vient souvent de l'envie secrète que l'on porte à ceux qui y sont établis. Réflexion 281. L'orgueil qui nous inspire tant d'envie nous sert souvent aussi à la modérer. Réflexion 282. Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité que ce serait mal jugé que de ne s'y pas laisser tromper. Réflexion 283. Il n'y a pas quelquefois moins d'habileté à savoir profiter d'un bon conseil qu'à se bien conseiller soi-même. Réflexion 284. Il y a des méchants qui seraient moins dangereux s'ils n'avaient aucune bonté. Réflexion 285. La magnanimité est assez définie par son nom. Néanmoins, on pourrait dire que c'est le bon sens de l'orgueil et la voie la plus noble pour recevoir des louanges. Réflexion 286. Il est impossible d'aimer une seconde fois ce qu'on a véritablement cessé d'aimer. Réflexion 287. Ce n'est pas tant la fertilité de l'esprit qui nous fait trouver plusieurs expédients sur une même affaire, que c'est le défaut de lumière qui nous fait arrêter à tout ce qui se présente à notre imagination et qui nous empêche de discerner d'abord ce qui est le meilleur. Réflexion 288. Il y a des affaires et des maladies que les remèdes aigrissent en certains temps, et la grande habileté consiste à connaître quand il est dangereux d'en user. Réflexion 289. La simplicité affectée est une imposture délicate. Réflexion 290. Il y a plus de défauts dans l'humeur que dans l'esprit. Réflexion 291. Le mérite des hommes a sa saison aussi bien que les fruits. Réflexion 292. On peut dire de l'humeur des hommes, comme de la plupart des bâtiments, qu'elle a diverses faces, les unes agréables et les autres désagréables. Réflexion 293. La modération ne peut avoir le mérite de combattre l'ambition et de la soumettre. Elles ne se trouvent jamais ensemble. La modération est la langueur et la paresse de l'âme, comme l'ambition en est l'activité et l'ardeur. Réflexion 294. Nous aimons toujours ce qui nous admire, et nous n'aimons pas toujours ce que nous admirons. Réflexion 295. Il s'en faut bien que nous connaissions toutes nos volontés. Réflexion 296. Il est difficile d'aimer ce que nous n'estimons point, mais il ne l'est pas moins d'aimer ce que nous estimons beaucoup plus que nous. Réflexion 297. Les humeurs du corps ont un cours ordinaire et réglé, qui meut et qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions, sans que nous le puissions connaître. Réflexion 298. La reconnaissance de la plupart des hommes n'est qu'une secrète envie de recevoir de plus grands bienfaits. Réflexion 299. Presque tout le monde prend plaisir à s'acquitter des petites obligations. Beaucoup de gens ont de la reconnaissance pour les médiocres, mais il n'y a quasi personne qui n'ait de l'ingratitude pour les grandes. Réflexion 300. Il y a des folies qui se prennent comme les maladies contagieuses. Réflexion 301. Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner. Réflexion 302. Ce n'est d'ordinaire que dans les petits intérêts où nous prenons le hasard de ne pas croire aux apparences. Il n'est pas d'ordinaire que dans de petits intérêts où nous prenons le hasard de ne pas croire aux apparences. Réflexion 303. Quelque bien qu'on nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau. Réflexion 304. Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient, mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons. Réflexion 305. L'intérêt que l'on accuse de tous nos crimes mérite souvent d'être loué de nos bonnes actions. Réflexion 306. On ne trouve guère d'ingrats tant qu'on est en état de faire du bien. Réflexion 307. Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-même qu'il est ridicule de l'être avec les autres. Réflexion 308. On a fait une vertu de la modération pour borner l'ambition des grands hommes et pour consoler les gens médiocres de leur peu de fortune et de leur peu de mérite. Réflexion 309. Il y a des gens destinés à être sots qui ne font pas seulement des sottises par leur choix, mais que la fortune même contraint d'en faire. Réflexion 310. Il arrive quelquefois des accidents dans la vie d'où il faut être un peu fou pour se bien tirer. Réflexion 311. S'il y a des hommes dont le ridicule n'est jamais paru, c'est qu'on ne l'a pas bien cherché. Réflexion 312. Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s'ennuient point d'être ensemble, c'est qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes. Réflexion 313. Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu'aux moindres particularités de ce qui nous est arrivé et que nous n'en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les avons comptées à une même personne? Réflexion 314. L'extrême plaisir que nous prenons à parler de nous-mêmes nous doit faire craindre de n'en donner guère à ceux qui nous écoutent. Réflexion 315. Ce qui nous empêche d'ordinaire de faire voir le fond de notre cœur à nos amis n'est pas tant la défiance que nous avons d'eux que celle que nous avons de nous-mêmes. Réflexion 316. Les personnes faibles ne peuvent être sincères. Réflexion 317. Ce n'est pas un grand malheur d'obliger des ingrats, mais c'en est un insupportable d'être obligé à un malhonnête homme. Réflexion 318. On trouve des moyens pour guérir la folie, mais on n'en trouve point pour redresser un esprit de travers. Réflexion 319. On ne saurait conserver longtemps les sentiments qu'on doit avoir pour ses amis ou ses bienfaiteurs si on se laisse la liberté de parler souvent de leurs défauts. Réflexion 320. Louer les princes des vertus qu'ils n'ont pas, c'est leur dire impunément des injures. Réflexion 321. Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons. Réflexion 322. Il n'y a que ceux qui sont méprisables qui craignent d'être méprisés. Réflexion 323. Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que nos biens. Réflexion 324. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Réflexion 325. Nous nous consolons souvent par faiblesse des mots dont la raison n'a pas la force de nous consoler. Réflexion 326. Le ridicule déshonore plus que le déshonneur. Réflexion 327. Nous n'avouons de petits défauts que pour persuader que nous n'en avons pas de grands. Réflexion 328. L'envie est plus irréconciliable que la haine. Réflexion 329. On croit quelquefois haïr la flatterie, mais on ne hait que la manière de flatter. Réflexion 330. On pardonne tant que l'on aime. Réflexion 331. Il est plus difficile d'être fidèle à sa maîtresse quand on est heureux que quand on est maltraité. Réflexion 332. Les femmes ne connaissent pas toute leur coquetterie. Réflexion 333. Les femmes n'ont point de sévérité complète sans aversion. Réflexion 334. Les femmes peuvent moins surmonter leur coquetterie que leur passion. Réflexion 335. Dans l'amour, la tromperie va presque toujours plus loin que la méfiance. Réflexion 336. Il y a une certaine sorte d'amour dont l'excès empêche la jalousie. Réflexion 337. Il est de certaines bonnes qualités comme des sens. Ceux qui en sont entièrement privés ne les peuvent apercevoir ni les comprendre. Réflexion 338. Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ce que nous haïssons. Réflexion 339. Nous ne ressentons nos biens et nos maux qu'à proportion de notre amour-propre. Réflexion 340. L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Réflexion 341. Les passions de la jeunesse ne sont guère plus opposées au salut que la tiédeur des vieilles gens. Réflexion 342. L'accent du pays où l'on est né demeure dans l'esprit et dans le cœur, comme dans le langage. Réflexion 343. Pour être un grand homme, il faut savoir profiter de toute sa fortune. Réflexion 344. La plupart des hommes ont comme les plantes des propriétés cachées que le hasard fait découvrir. Réflexion 345. Les occasions nous font connaître aux autres et encore plus à nous-mêmes. Réflexion 346. Il ne peut y avoir de règles dans l'esprit ni dans le cœur des femmes si le tempérament n'en est d'accord. Réflexion 347. Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. Réflexion 348. Quand on aime, on doute souvent de ce qu'on croit le plus. Réflexion 349. Le plus grand miracle de l'amour, c'est de guérir de la coquetterie. Réflexion 350. Ce qui nous donne tant d'aigreur contre ceux qui nous font des finesses, c'est qu'ils croient être plus habiles que nous. Réflexion 351. On a bien de la peine à rompre quand on ne s'aime plus. Réflexion 352. On s'ennuie presque toujours avec les gens avec qui il n'est pas permis de s'ennuyer. Réflexion 353. Un honnête homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. Réflexion 354. Il y a de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la vertu même. Réflexion 355. On perd quelquefois des personnes qu'on regrette plus, qu'on en est affligé, et d'autres dont on est affligé et qu'on ne regrette guère. Réflexion 356. Nous ne louons d'ordinaire de bon cœur que ceux qui nous admirent. Réflexion 357. Les petits esprits sont trop blessés des petites choses. Les grands esprits les voient toutes et n'en sont point blessés. Réflexion 358. L'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes. Sans elle, nous conservons tous nos défauts et ils sont seulement couverts par l'orgueil qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes. Réflexion 359. Les infidélités devraient éteindre l'amour. Et il ne faudrait point être jaloux quand on a sujet de l'être. Il n'y a que les personnes qui évitent de donner de la jalousie qui soient dignes qu'on en ait pour elles. Réflexion 360. On se décrit beaucoup plus auprès de nous pour les moindres infidélités qu'on nous fait que par les plus grandes qu'on fait aux autres. Réflexion 361. La jalousie naît toujours avec l'amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui. Réflexion 362. La plupart des femmes ne pleurent pas tant la mort de leurs amants pour les avoir aimés que pour paraître plus dignes d'être aimées. Réflexion 363. Les violences qu'on nous fait nous font souvent moins de peine que celles que nous nous faisons à nous-mêmes. Réflexion 364. On sait assez qu'il ne faut guère parler de sa femme, mais on ne sait pas assez qu'on devrait encore moins parler de soi. Réflexion 365. Il y a de bonnes qualités qui dégénèrent en défauts quand elles sont naturelles et d'autres qui ne sont jamais parfaites quand elles sont acquises. Il faut, par exemple, que la raison nous fasse ménager de notre bien et de notre confiance, et il faut au contraire que la nature nous donne la bonté et la valeur. Réflexion 366. Quelque défiance que nous ayons de la sincérité de ceux qui nous parlent, nous croyons toujours qu'ils nous disent plus vrai qu'aux autres. Réflexion 367. Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient lasses de leur métier. Réflexion 368. La plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés qui ne sont en sûreté que parce qu'on ne les cherche pas. Réflexion 369. Les violences qu'on se fait pour s'empêcher d'aimer sont souvent plus cruelles que les rigueurs de ce qu'on aime. Réflexion 370. Il n'y a guère de poltrons qui connaissent toujours toutes leurs peurs. Réflexion 371. C'est presque toujours la faute de celui qui aime de ne pas connaître quand on cesse de l'aimer. Réflexion 372. La plupart des jeunes gens croient être naturels lorsqu'ils ne sont que mal polis et grossiers. Réflexion 373. Il y a de certaines larmes qui nous trompent souvent nous-mêmes après avoir trompé les autres. Réflexion 374. Si on croit aimer sa maîtresse pour l'amour d'elle, on est bien trompé. Réflexion 375. Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée. Réflexion 376. L'envie est détruite par la véritable amitié et la coquetterie par le véritable amour. Réflexion 377. Le plus grand défaut de la pénétration n'est pas de n'aller point jusqu'au but, mais de le passer. Réflexion 378. On donne des conseils, mais on n'inspire point de conduite. Réflexion 379. Quand notre mérite baisse, notre goût baisse aussi. Réflexion 380. La fortune fait paraître nos vertus et nos vices comme la lumière fait paraître les objets. Réflexion 381. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. Réflexion 382. Nos actions sont comme les bourrimées que chacun fait rapporter à ce qui lui plaît. Réflexion 383. L'envie de parler de nous et de faire voir nos défauts du côté que nous voulons bien les montrer fait une grande partie de notre sincérité. Réflexion 384. On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. Réflexion 385. On est presque également difficile à contenter quand on a beaucoup d'amour et quand on n'en a plus guère. Réflexion 386. Il n'y a point de gens qui aient plus souvent tort que ceux qui ne peuvent souffrir d'en avoir. Réflexion 387. Un sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon. Réflexion 388. Si la vanité ne renverse pas entièrement les vertus, du moins, elle les ébranle toutes. Réflexion 389. Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable, c'est qu'elle blesse la nôtre. Réflexion 390. On renonce plus aisément à son intérêt qu'à son goût. Réflexion 391. La fortune ne paraît jamais si aveugle qu'à ceux à qui elle ne fait pas de bien. Réflexion 392. Il faut gouverner la fortune comme la santé, en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise, et ne jamais faire de grands remèdes sans un extrême besoin. Réflexion 393. L'air bourgeois se perd quelquefois à l'armée, mais il ne se perd jamais à la cour. Réflexion 394. On peut être plus fin qu'un autre, mais non pas plus fin que tous les autres. Réflexion 395. On est quelquefois moins malheureux d'être trompé de ce qu'on aime que d'en être détrompé. Réflexion 396. On garde longtemps son premier amant quand on n'en prend point de second. Réflexion 397. Nous n'avons pas le courage de dire en général que nous n'avons point de défauts et que nos ennemis n'ont point de bonnes qualités, mais en détail, nous ne sommes pas trop éloignés de le croire. Réflexion 398. De tous nos défauts, celui dont nous demeurons le plus aisément d'accord, c'est de la paresse. Nous nous persuadons qu'elle tient à toutes les vertus paisibles et que sans détruire entièrement les autres, elle en suspend seulement les fonctions. Réflexion 399. Il y a une élévation qui ne dépend point de la fortune. C'est un certain air qui nous distingue et qui semble nous destiner aux grandes choses. C'est un prix que nous nous donnons imperceptiblement à nous-mêmes. C'est par cette qualité que nous usurpons les déférences des autres hommes, et c'est elle d'ordinaire qui nous met plus au-dessus d'eux que la naissance, les dignités et le mérite même. Réflexion 400. Il y a du mérite sans élévation, mais il n'y a point d'élévation sans quelque mérite. Réflexion 401. L'élévation est au mérite ce que la parure est aux belles personnes. Réflexion 402. Ce qui se trouve le moins dans la galanterie, c'est de l'amour. Réflexion 403. La fortune se sert quelquefois de nos défauts pour nous élever, et il y a des gens incommodes dont le mérite sera mal récompensé si on ne voulait acheter leur absence. Réflexion 404. Il semble que la nature ait caché dans le fond de notre esprit des talents et une habileté que nous ne connaissons pas. Les passions seules ont le droit de les mettre au jour et de nous donner quelquefois des vues plus certaines et plus achevées que l'art ne saurait le faire. Réflexion 405. Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années. Réflexion 406. Les coquettes se font honneur d'être jalouses de leurs amants pour cacher qu'elles sont envieuses des autres femmes. Réflexion 407. Il s'en faut bien que ceux qui s'attrapent à nos finesses ne nous paraissent aussi ridicules que nous nous le paraissons à nous-mêmes quand les finesses des autres nous ont attrapés. Réflexion 408. Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été aimables, c'est d'oublier qu'elles ne le sont plus. Réflexion 409. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Réflexion 410. Le plus grand effort de l'amitié n'est pas de montrer nos défauts à un ami, c'est de lui faire voir les siens. Réflexion 411. On n'a guère de défauts qui ne soient plus pardonnables que les moyens dont on se sert pour les cacher. Réflexion 412. Quelque honte que nous ayons méritée, il est presque toujours en notre pouvoir de rétablir notre réputation. Réflexion 413. On ne plaît pas longtemps quand on n'a que d'une sorte d'esprit. Réflexion 414. Les fous et les sottes gens ne voient que par leur humeur. Réflexion 415. L'esprit nous sert quelquefois à faire hardiment des sottises. Réflexion 416. La vivacité qui augmente en vieillissant ne va pas loin de la folie. Réflexion 417. En amour, celui qui est guéri le premier est toujours le mieux guéri. Réflexion 418. Les jeunes femmes qui ne veulent point paraître coquettes et les hommes d'un âge avancé qui ne veulent pas être ridicules ne doivent jamais parler de l'amour comme d'une chose où ils puissent avoir part. Réflexion 419. Nous pouvons paraître grands dans un emploi au-dessous de notre mérite, mais nous paraissons souvent petits dans un emploi plus grand que nous. Réflexion 420. Nous croyons souvent avoir de la constance dans les malheurs lorsque nous n'avons que de l'abattement, et nous les souffrons sans oser les regarder comme les poltrons se laissent tuer de peur de se défendre. Réflexion 421. La confiance fournit plus à la conversation que l'esprit. Réflexion 422. Toutes les passions nous font faire des fautes, mais l'amour nous en fait faire de plus ridicules. Réflexion 423. Peu de gens savent être vieux. Réflexion 424. Nous nous faisons honneur des défauts opposés à ceux que nous avons. Quand nous sommes faibles, nous nous vantons d'être opiniâtres. Réflexion 425. La pénétration a un air de deviner qui flatte plus notre vanité que toutes les autres qualités de l'esprit. Réflexion 426. La grâce de la nouveauté et la longue habitude, quelque opposées qu'elles soient, nous empêchent également de sentir les défauts de nos amis. Réflexion 427. La plupart des amis dégoûtent de l'amitié et la plupart des dévots dégoûtent de la dévotion. Réflexion 428. Nous pardonnons aisément à nos amis les défauts qui ne nous regardent pas. Réflexion 429. Les femmes qui aiment pardonnent plus aisément les grandes indiscrétions que les petites infidélités. Réflexion 430. Dans la vieillesse de l'amour, comme dans celle de l'âge, on vit encore pour les mots, mais on ne vit plus pour les plaisirs. Réflexion 431. Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Réflexion 432. C'est en quelque sorte se donner part aux belles actions que de les louer de bon cœur. Réflexion 433. La plus véritable marque d'être né avec de grandes qualités, c'est d'être né sans envie. Réflexion 434. Quand nos amis nous ont trompés, on ne doit que de l'indifférence aux marques de leur amitié, mais on doit toujours de la sensibilité à leur malheur. Réflexion 435. La fortune et l'humeur gouvernent le monde. Réflexion 436. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. Réflexion 437. On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il sait en faire. Réflexion 438. Il y a une certaine reconnaissance vive qui ne nous acquitte pas seulement des bienfaits que nous avons reçus, mais qui fait même que nos amis nous doivent en leur payant ce que nous leur devons. Réflexion 439. Nous ne désirerions guère de choses avec ardeur si nous connaissions parfaitement ce que nous désirons. Réflexion 440. Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu touchées de l'amitié, c'est qu'elle est fade quand on a senti de l'amour. Réflexion 441. Dans l'amitié comme dans l'amour, on est souvent plus heureux par les choses qu'on ignore que par celles que l'on sait. Réflexion 442. Nous essayons de nous faire honneur des défauts que nous ne voulons pas corriger. Réflexion 443. Les passions les plus violentes nous laissent quelquefois du relâche, mais la vanité nous agite toujours. Réflexion 444. Les vieux fous sont plus fous que les jeunes. Réflexion 445. La faiblesse est plus opposée à la vertu que le vice. Réflexion 446. Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguës, c'est que la vanité ne peut servir à les supporter. Réflexion 447. La bienséance est la moindre de toutes les lois et la plus suivie. Réflexion 448. Un esprit droit a moins de peine de se soumettre aux esprits de travers que de les conduire. Réflexion 449. Lorsque la fortune nous surprend en nous donnant une grande place sans nous y avoir conduit par degrés ou sans que nous nous y soyons élevés par nos espérances, il est presque impossible de s'y bien soutenir et de paraître digne de l'occuper. Réflexion 450. Notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous retranchons de nos autres défauts. Réflexion 451. Il n'y a point de sot si incommode que ceux qui ont de l'esprit. Réflexion 452. Il n'y a point d'homme qui se croit en chacune de ses qualités au-dessous de l'homme du monde qu'il estime le plus. Réflexion 453. Dans les grandes affaires, on doit moins s'appliquer à faire naître des occasions qu'à profiter de celles qui se présentent. Réflexion 454. Il n'y a guère d'occasion où l'on fit un méchant marché de renoncer au bien qu'on dit de nous à condition de n'en dire point de mal. Réflexion 455. Quelque disposition que le monde a mal jugée, il fait encore plus souvent grâce au faux mérite qu'il ne fait injustice au véritable. Réflexion 456. On est quelquefois un sot avec de l'esprit, mais on ne l'est jamais avec du jugement. Réflexion 457. Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Réflexion 458. Nos ennemis approchent plus de la vérité dans les jugements qu'ils font de nous que nous n'en approchons nous-mêmes. Réflexion 459. Il y a plusieurs remèdes qui guérissent de l'amour, mais il n'y en a point d'infaillible. Réflexion 460. Il s'en faut bien que nous connaissions tout ce que nos passions nous font faire. Réflexion 461. La vieillesse est un tyran qui défend sur peine de la vie tous les plaisirs de la jeunesse. Réflexion 462. Le même orgueil qui nous fait blâmer les défauts dont nous nous croyons exempts nous porte à mépriser les bonnes qualités que nous n'avons pas. Réflexion 463. Il y a souvent plus d'orgueil que de bonté à plaindre les malheurs de nos ennemis, c'est pour leur faire sentir que nous sommes au-dessus d'eux que nous leur donnons des marques de compassion. Réflexion 464. Il y a un excès de bien et de maux qui passe notre sensibilité. Réflexion 465. Il s'en faut bien que l'innocence ne trouve autant de protection que le crime. Réflexion 466. De toutes les passions violentes, celle qui sied le moins mal aux femmes, c'est l'amour. Réflexion 467. La vanité nous fait faire plus de choses contre notre goût que la raison. Réflexion 468. Il y a de méchantes qualités qui font de grands talents. Réflexion 469. On ne souhaite jamais ardemment ce qu'on ne souhaite que par raison. Réflexion 470. Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses en bien comme en mal, et elles sont presque toutes à la merci des occasions. Réflexion 471. Dans les premières passions, les femmes aiment l'amant et dans les autres, elles aiment l'amour. Réflexion 472. L'orgueil a ses bizarreries comme les autres passions. On a honte d'avouer que l'on est de la jalousie et on se fait honneur d'en avoir eu et d'être capable d'en avoir. Réflexion 473. Quelque rare que soit le véritable amour, il est encore moins que la véritable amitié. Réflexion 474. Il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la beauté. Réflexion 475. L'envie d'être plein ou d'être admiré fait souvent la plus grande partie de notre confiance. Réflexion 476. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Réflexion 477. La même fermeté qui sert à résister à l'amour sert aussi à le rendre violent et durable. Et les personnes faibles, qui sont toujours agitées des passions, n'en sont presque jamais véritablement remplies. Réflexion 478. L'imagination ne saurait inventer tant de diverses contrariétés qu'il y en a naturellement dans le cœur de chaque personne. Réflexion 479. Il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui puissent avoir une véritable douceur. Celles qui paraissent douces n'ont d'ordinaire que de la faiblesse qui se convertit aisément en aigreur. Réflexion 480. La timidité est un défaut dont il est dangereux de reprendre les personnes qu'on en veut corriger. Réflexion 481. Rien n'est plus rare que la véritable bonté. Ceux même qui croient en avoir n'ont d'ordinaire que de la complaisance ou de la faiblesse. Réflexion 482. L'esprit s'attache par paresse et par constance à ce qui lui est facile ou agréable. Cette habitude met toujours des bornes à nos connaissances et jamais personne ne s'est donné la peine d'étendre et de conduire son esprit aussi loin qu'il pourrait aller. Réflexion 483. On est d'ordinaire plus médisant par vanité que par malice. Réflexion 484. Quand on a le cœur encore agité par les restes d'une passion, on est plus près d'en prendre une nouvelle que quand on est entièrement guéri. Réflexion 485. Ceux qui ont eu de grandes passions se trouvent toute leur vie heureux et malheureux d'en être guéris. Réflexion 486. Il y a encore plus de gens sans intérêt que sans envie. Réflexion 487. Nous avons plus de paresse dans l'esprit que dans le corps. Réflexion 488. Le calme ou l'agitation de notre humeur ne dépend pas tant de ce qui nous arrive de plus considérable dans la vie que d'un arrangement commode ou désagréable de petites choses qui arrivent tous les jours. Réflexion 489. Quelque méchant que soient les hommes, ils n'oseraient paraître ennemis de la vertu, et lorsqu'ils la veulent persécuter, ils feignent de croire qu'elle est fausse, ou ils lui supposent des crimes. Réflexion 490. On passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour. Réflexion 491. L'extrême avarice se méprend presque toujours. Il n'y a point de passion qui s'éloigne plus souvent de son but, ni sur qui le présent ait tant de pouvoir au préjudice de l'avenir. Réflexion 492. L'avarice produit souvent des effets contraires. Il y a un nombre infini de gens qui sacrifient tous leurs biens à des espérances douteuses et éloignées, d'autres méprisent de grands avantages à venir pour de petits intérêts présents. Réflexion 493. Il semble que les hommes ne se trouvent pas assez de défauts. Ils en augmentent encore le nombre par de certaines qualités singulières dont ils affectent de se parer, et ils les cultivent avec tant de soin qu'elles deviennent à la fin des défauts naturels qu'il ne dépend plus d'eux de corriger. Réflexion 494. Ce qui fait voir que les hommes connaissent mieux leurs fautes qu'on ne pense, c'est qu'ils n'ont jamais tort quand on les entend parler de leur conduite. Le même amour-propre qui les aveugle d'ordinaire les éclaire alors et leur donne des vues si justes qu'il leur fait supprimer ou déguiser les moindres choses qui peuvent être condamnées. Réflexion 495. Il faut que les jeunes gens qui entrent dans le monde soient honteux ou étourdis, un air capable et composé se tourne d'ordinaire en impertinence. Réflexion 496. Les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Réflexion 497. Il ne sert de rien d'être jeune sans être belle, ni d'être belle sans être jeune. Réflexion 498. Il y a des personnes si légères et si frivoles qu'elles sont aussi éloignées d'avoir de véritables défauts que des qualités solides. Réflexion 499. On ne compte d'ordinaire la première galanterie des femmes que lorsqu'elles en ont une seconde. Réflexion 500. Il y a des gens si remplis d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont amoureux, ils trouvent moyen d'être occupés de leur passion sans l'être de la personne qu'ils aiment. Réflexion 501. L'amour, tout agréable qu'il est, plaît encore plus par les manières dont il se montre que par lui-même. Réflexion 502. Peu d'esprit avec de la droiture ennuie moins, à la longue, que beaucoup d'esprit avec du travers. Réflexion 503. La jalousie est le plus grand de tous les maux, et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui les causent. Réflexion 504. Après avoir parlé de la fausseté de tant de vertus apparentes, il est raisonnable de dire quelque chose de la fausseté du mépris de la mort. J'entends parler de ce mépris de la mort que les païens se vantent de tirer de leur propre force sans l'espérance d'une meilleure vie. Il y a différence entre souffrir la mort constamment et la mépriser. Le premier est assez ordinaire, mais je crois que l'autre n'est jamais sincère. On a écrit néanmoins tout ce qui peut le plus persuader que la mort n'est point un mal. Et les hommes les plus faibles, aussi bien que les héros, ont donné 1000 exemples célèbres pour établir cette opinion. Cependant, je doute que personne de bon sens l'ait jamais cru, et la peine que l'on prend pour le persuader aux autres et à soi-même fait assez voir que cette entreprise n'est pas aisée. On peut avoir divers sujets de dégoût dans la vie, mais on n'a jamais raison de mépriser la mort. Ce même qui se la donne volontairement ne la compte pas pour si peu de choses, et ils s'en étonnent et la rejettent comme les autres, lorsqu'elle vient à eux par une autre voie que celle qu'ils ont choisie. L'inégalité que l'on remarque dans le courage d'un nombre infini de vaillants hommes vient de ce que la mort se découvre différemment à leur imagination et y paraît plus présente en un temps qu'en un autre. Ainsi, il arrive qu'après avoir méprisé ce qu'ils ne connaissent pas, ils craignent enfin ce qu'ils connaissent. Il faut éviter de l'envisager avec toutes ses circonstances si on ne veut pas croire qu'elle soit le plus grand de tous les maux. Les plus habiles et les plus braves sont ceux qui prennent de plus honnêtes prétextes pour s'empêcher de la considérer. Mais tout homme qui la sait voir telle qu'elle est trouve que c'est une chose épouvantable. La nécessité de mourir faisait toute la constance des philosophes. Ils croyaient qu'il fallait aller de bonne grâce où l'on ne saurait s'empêcher d'aller, et ne pouvant éterniser leur vie, il n'y avait rien qui ne fisse pour éterniser leur réputation et sauver du naufrage ce qui n'en peut être garanti. Contentons-nous, pour faire bonne mine, de ne nous pas dire à nous-mêmes tout ce que nous en pensons et espérons plus de notre tempérament que de ces faibles raisonnements qui nous font croire que nous pouvons approcher de la mort avec indifférence. La gloire de mourir avec fermeté, l'espérance d'être regretté, le désir de laisser une belle réputation, l'assurance d'être affranchi des misères de la vie et de ne dépendre plus des caprices de la fortune, sont des remèdes qu'on ne doit pas rejeter. Mais on ne doit pas croire aussi qu'ils soient infaillibles. Il faut pour nous assurer ce qu'une simple haie fait souvent à la guerre, pour assurer ceux qui doivent approcher d'un lieu d'où l'on tire. Quand on en est éloigné, on s'imagine qu'elle peut mettre à couvert, mais quand on en est proche, on trouve que c'est un faible recours. C'est nous flatter de croire que la mort nous paraisse de près ce que nous en avons jugé de loin, et que nos sentiments, qui ne sont que faiblesses, soient d'une trempe assez forte pour ne point souffrir d'atteinte par la plus rude de toutes les épreuves. C'est aussi mal connaître les effets de l'amour-propre que de penser qu'il puisse nous aider à compter pour rien ce qui le doit nécessairement détruire, et la raison dans laquelle on croit trouver tant de ressources est trop faible en cette rencontre pour nous persuader ce que nous voulons. C'est elle, au contraire, qui nous trahit le plus souvent, et qui, au lieu de nous inspirer le mépris de la mort, sert à nous découvrir ce qu'elle a d'affreux et de terrible. Tout ce qu'elle peut faire pour nous est de nous conseiller d'en détourner les yeux pour les arrêter sur d'autres objets. Caton et Brutus en choisirent d'illustres. Un laquais se contenta il y a quelque temps de danser sur l'échafaud où il allait être roué. Ainsi, bien que les motifs soient différents, ils produisent les mêmes effets. De sorte qu'il est vrai que quelque disproportion qu'il y a entre les grands hommes et les gens du commun, on a vu mille fois les uns et les autres recevoir la mort d'un même visage. Mais ça a toujours été avec cette différence que dans le mépris que les grands hommes font paraître pour la mort, c'est l'amour de la gloire qui leur en ôte la vue. Et dans les gens du commun, ce n'est qu'un effet de leur peu de lumière qui les empêche de connaître la grandeur de leur mal et leur laisse la liberté de penser à autre chose.